Le père de Sainte Thérèse par Céline. À la maison de santé de Caen. Celui-ci continuait à s'intéresser à nous, et je pouvais en apporter ce témoignage à mes carmélites. Quand papa me voit, il me demande des renseignements sur tout, pense à tout et à tous. Je crois qu'on ne nous permettra pas de venir plus d'une fois par semaine. Nous allons tous les jours demander de ses nouvelles. Mère Costard, après m'avoir cité d'autres malades, m'a dit en parlant de papa. Ce n'est pas le cas de Monsieur Martin, lui est paralysé. Elle lui trouve la langue un peu embarrassée, puis ses mouvements sont plus lents, il marche péniblement. Ou encore, papa ne se trouve pas délaissé, nous sachant à Caen, auprès de lui. Chaque jour, la religieuse lui rappelle que nous y sommes et que nous venons tous les jours demander de ses nouvelles. Cela paraît lui faire plaisir. Il a été très, très content de vos lettres. Elles lui ont fait beaucoup de bien, toute la journée il en a été remonté, il semblait avoir un nouveau courage. Elles lui ont fait envisager sa situation comme une épreuve d'un grand ami de Dieu, et ses pensées le fortifient. Écrivez-lui donc souvent, aussi souvent que vous voudrez, la moindre chose lui fait du bien, vous savez, qu'une seule pensée quelquefois suffit à papa. Il gardait toujours le même abandon. Le 15 mars, je précisais à mon oncle et à ma tante Guérin combien nous avions été frappés de voir notre père présent à tout, pendant l'heure de parloir que nous venions de passer près de lui, et j'ajoutais. J'ai dit à papa, que nous faisions toutes une neuvaine, à Saint-Joseph, pour demander sa guérison et qu'il puisse revenir à Lisieux. Il m'a répondu, « Non, il ne faut pas demander cela, mais seulement la volonté du bon Dieu. » Son exemple faisait du bien autour de lui. Je relève, dans une lettre du 17 avril, ce détail que m'avait rapporté la garde malade qui en avait été très édifiée. Mère Costard a donné à papa deux petits gâteaux, mais il les a repoussés loin de lui. Alors, la sœur de service s'est avancée et lui a demandé pourquoi il ne les mangeait pas. Ce cher petit père lui a répondu que, pendant la semaine sainte, il ne voulait pas manger de gâteau. Ainsi, il se rendait compte qu'on était en carême, car il suivait ponctuellement les cérémonies de l'Église. Quand il allait assez bien, il faisait, comme autrefois, la communion quotidienne et il assistait à la messe. Ce sont l'aumônier et les religieuses qui me l'ont confirmé. Toujours mortifié et charitable, il ne voulait pas profiter seul des gâteries que nous tenions à lui procurer, et il les partageait avec ses voisins. Ne le vit-on pas distribuer ainsi le contenu de son assiette d'huîtres, en gardant à peine pour lui. Dans notre visite du 8 mai, Mère Costard nous déclara que, ne pouvant voir papa qu'une fois par semaine, d'après le règlement, il serait plus sage que nous ne restions pas à Caen, promettant de nous informer de la moindre chose. C'était dur pour Léonie et moi, mais nos santés commençaient à s'altérer, et notre oncle, ainsi que nos sœurs, nous rappelèrent à Lisieux, où nous arrivâmes le 14 mai. Tous les 8 jours nous retournions voir notre père bien-aimé. Bien que nous ayons pris pension au foyer de la famille Guérin, nous évitions les sorties. Cependant, mon oncle voulut nous emmener toutes les deux à la Musse, au début des vacances, qu'il venait d'hériter, avec la sœur de ma tante, de cette jolie propriété, située à 8 km d'Évreux, qui comprenait, outre le château situé sur la hauteur, 41 hectares de bois et de prairies, entourés de murs. C'est à l'occasion de cette absence de 15 jours que Mère Costard donnait ses détails à la mère prieure du Carmel, sur les sentiments toujours détachés de notre père. Nous avons longuement parlé de toutes ses bien-aimées filles, et, en apprenant que Mademoiselle Léonie et Céline étaient à la campagne à la Musse, il s'est écrié, « Tant mieux, dites-leur d'y rester aussi longtemps que leur bon oncle le jugerait nécessaire. Je ne veux pas qu'elles reviennent à cause de moi. Je suis bien, très bien ici. Ce vénérable vieillard ne prêche que la plus grande gloire de Dieu. Il est vraiment admirable. Non seulement il ne se plaint jamais, mais il trouve tout ce qu'on lui donne excellent. C'est touchant de voir l'affection de ce patriarche pour sa famille. Sur la demande de ses enfants, je lui ai fait acheter des fraises et des framboises qui lui ont fait plaisir, mais on n'en trouve presque plus. Je ne sais que lui offrir maintenant, car je ne puis obtenir qu'il me fasse connaître ses goûts. Et pourtant, quand on lui donne quelque chose de particulier, ce sont des remerciements sans fin. En mars 1890, nous commençâmes, pour papa, une neuvaine à la Sainte-Face. Mère Costard m'écrivait à ce propos, le 27, « J'ai reçu votre lettre hier soir, trop tard pour y répondre. Votre excellent père est à peu près comme vous l'avez vu, mais ses jambes ne peuvent le porter. Si vous habitiez un endroit isolé, je vous conseillerais de le reprendre, car il n'est point difficile à soigner et ce sera une consolation pour lui de se retrouver au milieu de vous. Ce qui me porte à vous donner ce conseil, c'est que votre bon père n'essaie même pas de se lever. Il faut que ses jambes soient bien prises pour qu'il tienne ainsi. Nous nous unissons à vous pour la neuvaine, et chaque jour je fais une petite croix sur le front de notre cher malade avec l'huile de la Sainte Face. Cette paralysie des jambes suivait une progression irrégulière et fort lente. Voici comment je relatais à mes sœurs notre visite du 20 mai. En me rendant au parloir, j'ai rencontré M. Vital Remet, l'un de ses amis d'Alençon, et Mme Benoîta, sa sœur, mariée à Caen, qui y allait. Ils ont fait arrêter leur voiture et nous sommes montés avec eux. Ce pauvre petit père était bien touché. Cela lui fait un bonheur sensible quand il voit ses anciens amis. Il a été charmant. Monsieur Vital, voulant s'en aller, lui dit, « Maintenant, je vais vous laisser avec vos enfants. » Avec un air si blond, il a repris, « À rester encore, vous n'êtes pas de trop. » Enfin, ils sont partis. Le bon Dieu nous avait ménagé une consolante journée. Quand nous l'avons vu, il revenait du mois de Marie où une lecture avait été faite sur le respect dû aux vieillards et la vénération des cheveux blancs. Papa en était très ému. Ses jambes sont engourdies présentement, et c'est péniblement qu'il a fait avec nous un tour de jardin. Il a d'abord quitté le bras de Léonie et s'est contenté du mien, mais sa tête était comme plus lourde que tout son corps et il n'aurait pas été longtemps sans tomber. Il s'en apercevait, car il s'est appuyé au mur, disant qu'il n'était pas fatigué, mais que tout tournait autour de lui. Léonie lui a alors donné son bras. Ce pauvre petit père m'a parlé de vous, de notre mère, Marie de Gonzague, de mère Geneviève. Il a été ravi de vos lettres. Je n'ai pas pu les lire tout entière, m'a-t-il dit, parce que c'était trop beau, je pleurais. Il n'a pas demandé de s'en aller, et comme je lui disais, rien n'est long de ce qui finit. C'est vrai, et je crois que tout cela touche à sa fin. Ce ne sera pas long maintenant. Il voulait parler de son retour, il m'a répondu cela d'un air résigné et si bon. Je crois vraiment que, plus il va, plus l'expression de son visage est paisible et sainte. Cependant, la profession de ma petite Thérèse approchait. On la fixa définitivement au lundi 8 septembre 1890. Elle m'avait demandé de faire bénir, par notre père la formule de ses vœux et la couronne qu'elle devait recevoir. Sur son désir encore, je posai cette couronne sur le front de papa. Elle sollicita aussi, par le frère Siméon, une bénédiction, du pape pour son roi, en même temps que pour elle-même. Ce me fut une grande consolation, écrit-elle, de pouvoir rendre à mon petit père chéri la grâce qu'il m'avait procurée en me conduisant à Rome. La prise de voile devait avoir lieu le mercredi 24 septembre. Thérèse souhaita vivement que papa y assistât et pût la bénir sur place. À plusieurs reprises déjà, nous avions fait les démarches nécessaires pour reprendre notre bien-aimé malade. Mais chaque fois que nous allions exécuter ce dessin, les jambes devenaient libres. À l'été de cette année, nos espoirs parurent plus fondés. Notre père avait pu faire, en voiture, la promenade annuelle à la maison de campagne du Bon Sauveur. On se proposait de le faire venir en chemin de fer à Lisieux pour y voir ses carmélites. Nous pensâmes choisir le jour de la prise de voile. Papa n'aurait pas assisté à la cérémonie, mais je comptais seulement aller le chercher à la fin et le mener doucement à la grille pour qu'il bénisse sa petite reine. Néanmoins, notre oncle Guérin s'opposa formellement à sa venue, craignant pour lui de trop vives émotions. Thérèse en ressentit profondément la peine. C'est à cette occasion qu'elle m'écrivit la lettre angoissée du 23 septembre, lettre pleine de larmes, bien que si saintement abandonnée. Jésus me veut orpheline, il veut que je sois seule avec lui seul, pour s'unir plus intimement à moi. Le père Pichon, qui n'avait pu, lui non plus, assister à la cérémonie, écrivait du Canada, à Thérèse. Mon Alléluia est imprégné de larmes. Ni l'un ni l'autre de vos pères ne sera là pour vous offrir à Jésus. Mais il l'engage à offrir à Jésus cette couronne d'épines. Et dans une lettre à mon adresse, je bois à l'entrée à votre calice amer. Le cher patriarche est présent à ma pensée au Saint-Autel et partout. Oui, oui, il a été choisi comme victime, et voilà ce qui explique tout. Soyez-en fiers et reconnaissants à notre Seigneur. Le 1er octobre suivant, notre cousine Jeanne Guérin épousait le docteur Francis Lanéel, de Caen, et s'installait avec lui dans cette ville. Elle nous invitait aimablement à venir chez elle et même à y passer des semaines entières, ce qui nous rapprochait de notre père. C'est pendant l'un de ces séjours que j'adressais ces lignes à ma sœur Léonie, à Lisieux. À ma chère petite Léonie, quand donc pourrons-nous, toutes les deux, soigner notre père chéri? Il me semble que nous y emploierons toutes nos forces et tout notre amour filial. Pour ma part, je me sens tressaillir quand je pense à lui. La dureté de la besogne ne m'effraie pas et je suis prête à mourir sur la brèche. Oh, prions bien pour que le bon Dieu exauce nos désirs et en rende la réalisation possible. Mais, en attendant, sachons souffrir et ne perdons pas le fruit de tant de travaux. 13 novembre 1860. Quant à Thérèse, elle se faisait notre ange consolateur. Parlant de Jésus, de son regard voilé de larmes, elle m'écrivait, le 26 avril 1891, « Il nous a pris celui que nous aimions avec tant de tendresse. » D'une façon plus douloureuse encore qu'il nous avait enlevé notre mère chérie au printemps de notre vie, mais n'est-ce pas afin que nous puissions dire véritablement, notre Père qui êtes aux cieux? Elle nous invitait surtout à fixer le ciel. Alors, disait-elle, de la tête rayonnante de notre Père chéri, nous verrons sortir des flots de lumière, et chacun de ses cheveux blancs sera comme un soleil qui nous comblera de joie et de bonheur. 3 juillet 1861. Licence Creative Commons CC 3.0F. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. markendanarchive.org. D'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.